Ceux qui sont amoureux, de Joachim du Bellay. Enregistré pour LibriVox.org. Ceux qui sont amoureux, leurs amours chanteront. Ceux qui aiment l'honneur chanteront de la gloire. Ceux qui sont près du roi publieront sa victoire. Ceux qui sont courtisans, leur faveur vanteront. Ceux qui aiment les arts, les sciences diront. Ceux qui sont vertueux, pour tels se feront croire. Ceux qui aiment le vin deviseront de boire. Ceux qui sont de loisirs, de fables écriront. Ceux qui sont médisants se plairont à médire. Ceux qui sont moins fâcheux diront des mots pour rire. Ceux qui sont plus vaillants vanteront leur valeur. Ceux qui se plaisent trop chanteront leur louange. Ceux qui veulent flatter feront d'un diable un ange. Moi, qui suis malheureux, je plaindrai mon malheur. Fin du poème enregistré par Camille Dross. Cet enregistrement fait partie du domaine public.